près de moi, à qui je laisserai bien la parole, c'est Isabelle. Ouais. Isabelle, c'est à toi. Je te donne la parole. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, nous commençons oui. Radio Metanoia. Oui. Et nous sommes le 31 mai 2023. Au mois de juin. Bon, on essaye le micro. Tajid, vas-y, essaye le micro. Comment ça marche? Oui, vas-y. Oui, marche. Voilà. Bonjour. Moi, spécialisé clinique, docteur Sarah, fini hospitalisé, arrivé ici encore clinique. Ça, c'est moi explosé. La guerre, c'est pas bon. La guerre, c'est pas bon. Touche pas nature, touche pas nature. Nature, après beaucoup de poussière, beaucoup fatigué. Et pourquoi pas content? Le virus ici, beaucoup de personnes mortes. C'est oublié, blouse personnelle. Mais non, la guerre, c'est pas bon. Ça, c'est rien à foutre. Qu'est-ce que c'est? Donne-moi avion bombardier russe. Russe, beaucoup intelligent. Un pardon, moi peut-être un peu politique, c'est soldat moi albanais, soldat commandant et commissaire politique. Ça, c'est Poutine. C'est difficile pour discuter. C'est la guerre, non. Une diète, non. Ça, c'est fou, Ukraine. C'est ça. Comment on peut arrêter la guerre, Tajit? La guerre, boum, boum, Russie avec Ukraine. Ça, c'est beaucoup de drogue en Ukraine, beaucoup de drogue, comme ça. Oui, tous, ils sont tous drogués, les militaires. Fille moldave, beaucoup de prostituées. Beaucoup d'argent. Après, pourquoi toi taper la guerre? Ça, c'est demi-tour. La Russie, beaucoup, c'est avant, pas maintenant. Superfouchi, Amérique, numéro un. Après, numéro deux, Russie. Oui. Ah oui, attends, vas-y. Tajib, oui. La guerre l'homme, pas bon. L'homme construit des armes, fabrique des armes. C'est pas pour les stocker. C'est pas pour s'en servir non plus. C'est un business. Amina. Oui, exact, c'est un business, c'est vrai, business. Beaucoup d'Ukrainiens, beaucoup d'argent, payant avion, ça c'est nature, c'est beaucoup, beaucoup de poussière, beaucoup de médicaments. Encore virus ici, la guerre, vaccin. Moi ici, patch. Regarde. Patch pour arrêter de cigarette, arrêter de droguer. Moi un peu drogué, château ici, moi cigarette poubelle, ça c'est cannabis et un hashish. Moi ici. Clinique. Drogue douce, ça moi va. Pas de drogue, mon pire. Hein. Ah non. Tu n'es pas drogue d'accord. Drogue pas bon. Et drogue dure. Non. Drogue dure, ça finance la guerre. Fini la guerre. Où va l'argent de la drogue dure? De la rue. Moi? De la rue, ceux qui travaillent peu. Russie, comme ça. Russie, comme ça. Vous savez, chat, fille jolie, garçon joli. Pas de politique, c'est américain, c'est pas fouki. Depuis la chute du communisme. Amérique, après France. Et Russie, encore ici, toi. Amérique, France, Russie, fille jolie. Comme ça. Merci, Amina. Merci, ce que tu dis. Mais en fait, voilà, Tajid, il est contre la guerre, il a une critique, et puis après, il va nous faire une incantation, comme il disait. Tu fais un poème, tu prends le micro, parce que comme ça, on peut parler. Ça, c'est docteur, ça, c'est virus. Ça, c'est poussière beaucoup. Maintenant, moi, pas qu'on est voiture électrique, Paris, ici, c'est beaucoup poussière. Voiture diesel, ici, c'est interdit, voiture électrique. Ça, c'est Macron, beaucoup intelligent. Macron a encore gagné. En France, en Europe, oui. Oui. Comme ça. Bon. Non, mais c'est bien, hein. Il faut être remonté. Ça va pas suffire, la guerre. Amina, vas-y, on t'écoute. On va parler peace and love, respect. Alors, faites l'amour, pas la guerre. On va parler un peu du corps humain. Oui. L'anatomie. Isis est là pour nous parler de sa musique. Oui. Je te laisse, c'est à toi, Isis. Bonjour. Attends, micro. Oui, vas-y, 4. Vas-y. Bonjour. Alors, moi, c'est Isis. Alors, on a voulu parler de l'anatomie. Et moi, j'ai souhaité aller un peu plus loin. Donc, de parler du corps médical. Alors, j'ai écrit, je me suis préparée. Ouais. Parce que c'est pas un sujet facile. Alors. Vas-y, on t'écoute. Et puis après, on s'entraîne parce qu'après, on va aller sur le zone de DAB. Okay. Donc, tout ça, c'est pour préparer l'émission. OK. Alors, donc, le corps médical manque grandement à des extrêmes d'empathie envers leurs patients, comme si le patient n'avait le droit d'être en condition d'handicap ou de maladie, ou qu'il avait un contrôle complet de son cas, peu importe le cas. La dignité de l'être vivant n'est pas, et d'autant plus dans leur condition d'individu malade, comme si les malades n'avaient pas le droit à la dignité. Ça, voilà, donc ça c'est mon opinion sur comment les patients sont traités par le corps médical. Ouais. Alors, je suis désolée, ça n'a rien à voir avec la guerre. Non, mais on a aussi, si chacun peut parler, chacun a liberté totale, parler ce qu'il veut. Chacun, on a 5 minutes pour dire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. La seule condition, c'est que tous on se respecte, on s'écoute et puis on intervient. Aussi, on peut chanter, on peut danser, on peut crier, on peut dessiner, okay. Voilà tout. Donc, c'est génial. Voilà. Ben voilà, je vous ai partagé mon opinion sur le corps médical, ouais. qui prend soin de notre anatomie. L'anatomie que Amina elle a voulu parler de l'anatomie. Et un peu plus tard, si vous me le permettez, oui. J'aimerais bien vous partager une chanson. Excellent. Là, il y a Elisabeth et Amina qui font le programme, donc c'est elle qui gère un peu le training. Après, à 5 heures, Amina va présenter le programme. Vous allez voir, il va nous lancer dans les airs, quoi, Amina. Hein, c'est quoi ? Je vais lancer avec moi. On va se lancer avec Isis, toutes les deux. La manager Isis, aujourd'hui. Moi, c'est la voix et la manager, c'est Isis. Ok, je prends. La leader. La leadeuse. On va pas aller jusque-là. Mais oui. Merci. Chacun a les pouvoirs ici, on change de casquette, on peut changer des noms, on peut changer tout ici. Il y a des moments de liberté comme ça dans la vie. Ok. Alors je vais continuer. Continuez. Alors donc le titre, je voulais vous partager une chanson que j'ai écrite. Alors j'ai écrit cette chanson sur une production instrumentale offerte pour mon anniversaire. Alors on m'a offert une production pour mon anniversaire. Et donc j'en ai écrit une chanson en collaboration avec une artiste des US. Et donc je vous souhaite une jolie écoute lorsqu'on pourra la faire passer. Oui, tu nous diras. Il faut que tu nous notes sur une feuille. Oui, je l'ai notée si vous voulez. Je vous fais passer après, la feuille. Après, tu me la donnes, comme ça je peux le voir. Mais bon. Ok. Donc c'est ça le titre, On the Low by Boosted and Shells. Et on peut le trouver sur quoi, YouTube, sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes, Spotify, aussi, si SoundCloud, je sais pas quoi. On va voir. Ok, on va voir ça. Mais bon, on se prépare. Après, il y a qui? Alors il y a notre ami en face de la plante verte qu'on n'a pas arrosée. Elle a peut-être soif avec le temps qu'il fait. Mais c'est un jeune homme qui vient du pays, d'un pays ensoleillé. Alors c'est à toi. Il faut lui donner le micro, parce que... Prenez le micro, monsieur, là. Ouais, je sais pas. Et vive le stress. Oui, c'est... allez-y. On est... Vive le stress. Non, c'est pas le stress. Le problème, je suis stressé un petit peu, parce que c'est la première fois que je viens ici, enfin... je ne sais pas comment je dirais, mais je souhaite comment on s'appelle pour le rétablissement. Pour le rétablissement, voilà, exact. Asseyez-vous, hein, prenez tout. Place, ici, la place. Merci. Hein. Merci. Hein. Voilà, on a la place. Voilà notre ami. J'ai chapardé le micro. J'ai piqué le micro. Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Je m'appelle Doucouré Abari, je suis né le 17 mois 1988 à Paris 20e. Ouais. Je suis un patient comme tout le monde, j'étais en bas. Et ça fait plaisir aujourd'hui de raconter cette radio. Ça fait grandement plaisir. Et les infirmières, les médecins, les assistants sociaux, ils sont très, très, très adorables. Adorables. Si je vous dis adorables, c'est du miel. Et je suis vraiment contente de monter à la radio pour m'exprimer, de sortir tout ce qui est dans mon cœur. Et je remercie infiniment mon médecin qui est là dans cette pièce, qui s'occupe de moi. Et ça fait une semaine, deux semaines qu'il me donne des conseils. Mais les médicaments, il faut prendre des médicaments. Et franchement, les médicaments, ça m'a bien apaisé, ça m'a bien aidé. Et pour vous dire, au jour d'aujourd'hui, j'ai oublié tous mes soucis. Et la base, c'est soigner et prendre soin de nous. Et je vous remercie beaucoup. Bon, bienvenue à la radio, Métanoïa. Je suis d'accord avec toi. Le bon Dieu nous a donné un corps, c'est pas pour l'abîmer, pour fumer du shit ou de la drogue, comme dirait ta chip. C'est pour l'entretenir, prendre soin de soi. Bah, comme la maman elle a dit, c'est vrai que il y avait un moment que je fumais le shit. Je fumais le shit et le shit c'est pas bon. Avec les micros. Ah oui, merci. Et pour vous dire que le shit c'est pas bon pour la santé. C'est pas bon pour la santé le shit. Et actuellement je ne fume plus, je vais arrêter. Et voilà pour la raison que les médecins, ils ont décidé à m'envoyer dans une clinique à Oni, dans le 95, pour aller me soigner, pour oublier cette shit. Et le shit, c'est pas bon pour la santé et ce n'est pas bon le cannabis. Vous savez très bien que le cannabis, ce n'est pas bon pour la santé. Pas bon. Et c'est bon, je ne fumerai plus jamais dans ma vie et on n'est pas né avec. Quand notre maman, on était petit, on nous donnait des biberons avec du lait. C'est ça qu'on connaît, le lait. Mais on ne connaît pas le cannabis. Le cannabis, non, c'est des conneries. Et il faut qu'on arrête. Merci beaucoup, chers collègues. Merci. Bravo. Ouais. Alors, je voudrais parler de ceux qui sont venez. Sous dépendance, pas de cannabis, mais sous curatelle. Comme notre ami qui mange des bonbons, là. Ou du café. Moi, je suis pas sous dépendance. Oui, de parler, s'il te plaît. Je suis pas sous curatelle. Hein. En fait, c'est mes parents qui gèrent l'argent, en fait, quoi. Mais moi, je suis pas sous curatelle. Hein. C'est une curatelle. Plein de micro, c'est, micro. Ouais. Il y a plein de micros, il y a 6 micros hein, pour tout le monde. Hein. C'est une curatelle familiale, en fait, ça s'appelle. Oui. Attends, vas-y Vincent, continue. Bah c'est bien, j'ai toujours 10, 20 euros dans les poches et en fait, le reste, c'est ma mère qui garde quoi. Oui. Alors moi, je pense, je pense que j'avais proposé moi à ma sœur d'être ma curatrice. Elle a refusé. Bon, peut-être qu'elle regrette ou pas, je sais pas, mais l'argent dans les familles fâche. Souvent. Toi, c'est pas le cas, c'est super, je trouve ça super. Et c'est pas le cas. Je trouve ça super. Et attends, il y a Alors qui voulait parler, vas-y, prends. Oui, bonjour. Mais c'est dommage que le docteur Hérault soit pas là pour ma présentation parce qu'apparemment il a été ravi de me voir. On m'entend là ou pas? Oui, oui, on t'entend. Un peu plus fort peut-être. Allez, là. Ah non, c'est bon. Alors, je vais rebondir sur les thèmes. Le thème One Love, je l'aime bien. Et comme je me suis cassé la voix, et donc j'ai pas pu faire mes enregistrements habituels, parce que j'ai cru que j'étais jeune et je suis sortie et j'ai crié dans une soirée dub. Mais c'était très sympa. Mais bon, il y a quand même une musique que je voulais partager avec vous, qui est pour moi un hymne à l'amour un peu particulier, mais c'est la chanson Alléluia de Leonard Cohen, mais c'est une autre version sur laquelle je chanterai un petit peu. Mais ouais, voilà. Ok. Et je voulais aussi partager avec vous quelques rires et sourires, ce qui paraît que c'est contagieux, et je voulais faire cette expérience. Alors laissons-nous. Bon. Ça va, ça viendra, ça va venir. Alors, par exemple, si je fais... Mais ça, c'était hier. Super. Tajid, qu'est-ce que tu dis? Prends le micro. S'il te plaît, merci. Un peu politique. Moi, je suis l'Albanais, commandant d'un commissaire politique beaucoup. Américain, si. Moi, pas fâché avec l'Albanais, pas fâché avec l'Américain. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'élection Ça, c'est pas beaucoup politique l'élection, mais avec Macron. Ça, c'est intelligent. C'est pas moi capable de Macron gagner. Ça, c'est France, beaucoup intelligent. Ça, c'est Macron mérite. Ça y est, les gens fous, drogués. Arrêtez, les gens, c'est beaucoup fou. Drogués, cassés, voitures, cassés, locales, cassés, ça c'est pas bon. Après, moi, discuter, moi, exploser, pourquoi pas arrêter l'élection, c'est Macron, c'est beau. Macron, c'est très, très, très beau. France, oui. En Europe, oui. Il n'est pas moins capable. Ça, c'est Macron gagné, c'est vrai. Capable pour être président en Europe. Merci. Ce qui compte vraiment dans la drogue, c'est la dépendance. Oui, drogue, pas bon. De quoi que ce soit. Amina, s'il te plaît, c'est drogué beaucoup d'argent, c'est cher. Pourquoi je ne suis pas payant, pas pour toi, pourquoi je ne devrais pas payer une viande pour les cerveaux, c'est pas cher. Kebab, c'est pas cher. Imagine midi kebab, une canette mélange origine, carton, pas beaucoup manger ce soir, ça c'est moi un peu politique. Hein. Un peu politique, c'est vrai. Excusez-moi, s'il vous plaît, monsieur, vous avez tout à fait raison, mais le cannabis, si pas ça bon. Rentre dans votre sang, c'est oui. dur à arrêter. Écoutez-moi, c'est oui. dur à arrêter le cannabis. Oui. Moi, je suis un fumeur de cannabis. C'est pas grave. Écoutez, j'arrive. Oui. J'ai fait tous les mois. Depuis, en 2015, je suis à l'hôpital Neuilly-sur-Marne, Villevra. S'il vous plaît. Ils ont essayé de nettoyer. Moi, pas capable de arrêter. Toi, j'ai beaucoup. Payant le cannabis, hachiche. Non, c'est pour toi. Je ne paye pas. Je fréquente des amis. Je fréquente des amis. Mais c'est ces amis-là qui me donnent. Je n'achète pas le cannabis. Capable, monsieur. Et vous savez très bien que le cannabis, il vient d'où? Oui, il vient monsieur. D'où le cannabis, il vient d'où? S'il vous plaît, monsieur. Il vient du Maroc. Il vient du Pays-Bas. Il vient des récemment. Moi, beaucoup fatigué. Moi, pas de médicaments. Le cannabis... Le cannabis, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les jeunes, ils ne vont jamais arrêter le cannabis. Je peux te dire, les jeunes, ils ne vont jamais arrêter le cannabis. Tant qu'il y a le trafic, les jeunes, ils vont fumer. Tant qu'il y a le trafic, ils vont aller chercher au Maroc. Tant qu'il y a le trafic, ils vont aller chercher aux Pays-Bas. Mon fini travail. Je vous dis la vérité, monsieur. Mon patron est vraiment mort. Mon passe à chicha, passe cannabis, nature bio, beaucoup de médicaments. C'est vrai, ces médicaments, moi, un peu drogué, les piqûres, c'est drogué. Pas sexe, pour très fort, moi très fort. Pardon, merci. Merci, monsieur, mais le cannabis, c'est quand ça rentre... Est-ce que... Attends, Paul, Fofana, viens. As-tu ressenti des effets positifs? Oui, j'ai ressenti. Il y a des effets positifs et des effets négatifs. Voilà, comme vous disiez. Ça peut ouvrir l'appétit. Oui, c'est ça, ça coupe l'appétit. Mais des fois, le cannabis, quand vous fumez, ça donne l'appétit. Il faut manger, il faut boire. Pourquoi il y a des jeunes, pourquoi ils sont devenus fous? Parce qu'ils ne mangent pas. Ils fument matin, midi, soir. Ils ne mangent pas. Quand ils se réveillent du lit, allez, je vais me rouler un joint, ils fument. Au lieu de manger, il faut en manger. Éthiopie, la cocaïne aussi, c'est pareil, la cocaïne. En Éthiopie, pourquoi c'est une M. Palmade, il est mort? Pourquoi M. Palmade, il a fait un accident, M. Palmade? Parce qu'il avait consommé de la drogue, il avait consommé de la en cocaïne. En Éthiopie, M. c'est Palmade, une religion. M. Palmade, vous avez eu l'histoire de M. Palmade? L'histoire de M. Palmade, c'était l'histoire de la drogue. Bob Marley, le prophète. La cocaïne, il a fait un accident. Il a fait un accident. Ouais. Si, je crois que les gens ils sont au courant de M. Palmade. Merci beaucoup. Ok, on a des différentes opinions. Il y a John qui vient d'arriver, qui veut nous dire quelque chose. Alors moi, bonjour à tout le monde. Je voudrais répondre à ça. Donc moi, j'ai arrêté des doses massives de hashish du jour au lendemain. Je vais vous expliquer comment. Donc il y avait un docteur en psychiatrie. qui m'a dit si vous buvez de l'alcool, ça va vous rendre fou. Bon, tel n'est pas le cas, je l'ai constaté. Si vous fumez du si vous fumez du hashish à haute dose, ça va calmer la souffrance des neuroleptiques. Donc ça, c'est présentation de stupéfiants sous un jour favorable. Si ce n'est pas une autorité, 5 ans de prison. Je ne sais pas si un psychiatre, c'est une autorité, c'est une autre question. Mais en tout cas, je prenais des blocs de hashish sur une période de 24 heures tous les jours. Et j'ai stoppé du jour au lendemain par une simple réflexion. C'est que je me suis dit que ça plombait mon budget et que je n'avais pas assez pour le tabac et l'alcool. Et ça m'a fait un blocage psychologique. Je suis passé de blocs de 50 euros de shit tous les jours pendant plusieurs mois à zéro du jour au lendemain. Par contre, je suis passé à 2 bouteilles de vodka par jour et 5-6 paquets de Marlboro assez longues. Et c'est là que les flics sont venus quand je buvais de la vodka, pas quand je fumais du hashish. Et ça, je trouve pas ça normal. Voilà, merci pour avoir écouté ce témoignage. C'est le mot physique. Merci Jean, ça, c'est super intéressant, oui. Bah, tu peux intervenir quand tu veux, hein, on est là au micro. Excusez-moi, s'il vous plaît, à Gare du Nord, il y a des jeunes qui... Yamina, qui voulait dire quelque chose. Attendez. Oui, je disais, dans les drogues dures, entre la cocaïne, l'héroïne, c'est la dépendance physique, et le schiste, la marijuana et le cannabis, c'est psychologique. Et tu dois être fort psychologiquement. Mais en général, c'est plutôt les anorexiques. Toi, tu as une anatomie forte. Les anorexiques, ils se privent de manger parce qu'ils sont forts psychologiquement. Moi, je suis là pour l'anorexie la boulimie. Excusez-moi, s'il vous plaît. Vous savez, à Gare du Nord, pourquoi on dit les toxicomanes qui sont à la rue, les SDF, les jeunes qui vendent la drogue, les jeunes qui vendent la drogue à Gare du Nord, on les a fait arrêter? Et ils sont 100 personnes à arrêter, c'est des Sénégalais, il y a des Maliens, il y a des Algériens, il y a des Marocains. Ils vendent de la crack. Ah oui. Et la crack, c'est quoi la crack? Dites-moi la crack, c'est de la drogue. La crack, ça fait plus fou que la drogue. Moi, je suis un fumeur de cannabis, mais la crack, ça donne fou. Et c'est parmi ces gens-là, ils sont tous arrêtés. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, on veut la justice. C'est vrai, ça c'est accidentaliste. Oui, le crack. Pas connu. Après, toi maintenant, encore me dire. Non, mais pour vous dire que moi j'ai fumé le cannabis. Moi je veux arrêter le cannabis. S'il vous plaît. Je veux. Accidentaliste, toi, adolescent, un peu cannabis. Maintenant, c'est toi capable, beaucoup d'argent, c'est moi pas arrêté non, pour toi. J'ai beaucoup de, c'est pas question, ça, c'est pour c'est toi. Pas question que j'ai beaucoup d'argent. Moi, au jour d'aujourd'hui, je suis à l'hôpital, j'ai envie d'arrêter le cannabis. J'ai envie de me soigner, j'ai envie d'aller à l'hôpital, j'ai envie d'aller à la clinique, j'ai envie d'enlever cette merde dans mon sang. Monsieur, c'est tout. Moi, merci. Toi, le travail, Galaï Fayad à Montparnasse, c'est des belles nations, comme réfugiés de politique. Ménage. Moi, maintenant, pas de travail, oublié, retraite. Ben, vous savez, moi, j'ai 5 métiers dans la vie. Moi, pas d'argent. J'ai 5 métiers dans la vie. Je suis chef. Non, pas chef. Je suis chef de cuisine. Je travaille à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Trois. J'ai en train de demander service militaire. Oui. 4, je fais la bague. Oui. Et 5, master. Oui. Pardon? Experience, stage. Non, stage. Exactement, stage. Oui, je suis au stage. Capable. Là, je suis au stage, mais là, je vais passer mon service militaire et je vais aller à l'armée. À l'armée, c'est-à-dire l'armée où. Amina, il faut que tu modères. En Côte d'Ivoire. Toi, tu modères. Voilà, chacun son tour. Et je vais aller à l'armée, je vais aller au Mali, je vais aller au Niger, je vais aller au Sahara. On va aller chercher les terroristes. C'est quoi les terroristes? C'est quoi la drogue? Voilà, merci beaucoup. Les drogues. On prend les drogues. Vas-y, Amina. Parlez au micro. Mais tu te soignes bien avec des médicaments? C'est un peu de la drogue. Grâce à mon médecin qui est là. Voilà, c'est suivi, tu es suivi. Mon médecin qui est là, justement, il est à côté de moi. C'est grâce à lui qui me précise les traitements que la Valium que je prends tous les jours, matin, midi, soir. Et pour vous dire, ça m'apaise, ça me fait que du bien, j'ai oublié mes soucis. Quand je dis mes soucis, j'ai oublié mes soucis. Là, je veux une vraie vie. Je veux plus une fausse vie. Je veux plus fumer le cannabis. Je veux pas boire de l'alcool. Il faut que tu arrêtes les médicaments, c'est chimique. Ah non. Si j'arrête c'est les la drogue chimique. Ah non. Là, c'est synthétique. Alors, je suis vraiment désolé. Vous êtes suivi. Je suis d'accord. Oui, je suis suivi, mais j'arrête jamais mes médicaments. Mes médicaments, je les arrêterai jamais jusqu'à la mort. Parce que je suis quelqu'un de fragile. Je suis psychologue. J'ai un problème de santé. J'ai un problème de psychologue. Je pense beaucoup. Voilà, maintenant. moi, je vais mes médicaments. Même tout à l'heure, à 17h, je vais prendre mes médicaments. Si toi, tu ne veux pas prendre tes médicaments, moi, je vais prendre mes médicaments. Merci. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce monsieur. Par contre, Amina, je crois que quand un médecin prescrit un médicament, il faut le prendre. Exactement. Par rapport à ce que vous venez de dire, Amina, je ne suis pas d'accord. En fait, moi, je, vous dites au monsieur d'arrêter les médicaments. Je ne suis pas d'accord. C'est pas bien. C'est pas bien. Oui, c'est ce que je vais expliquer. Tout le corps médical vous dira qu'il ne faut... Il faut être suivi psychologiquement, mais quand un médecin donne des médicaments, il faut les prendre. Emplois, le cachet de la maison. Enfin, moi, je défends ça. Ouais, moi, je suis un peu, je balance. Comme l'infirmière l'a dit, voilà, moi, je suis toujours mes médicaments. Et pour vous dire que ça fait 2 semaines que je suis là. Quand je suis rentré le premier jour, j'étais pas bien. Et j'ai eu un accident, mais je ne vais pas raconter ma vie privée. Mais pour vous dire que ça fait deux semaines là, je suis bien apaisé, je suis bien dans ma tête. Et pour vous dire, j'ai oublié mes soucis. Et juste aujourd'hui, je prends mes traitements correctement. Valium, Restadam. Et je les prends correctement matin, midi, soir. Et c'est très important, les médicaments. Très, très, très important. C'est la santé d'abord. Merci aux médecins, au ministère de la Santé. À Metanoia. Et merci la ministre de la Santé. Merci et la ministre de la Santé. Et merci à tous les membres du gouvernement. Emmanuel Macron et avec son gouvernement, ministre de l'Intérieur et Manon Darmanin, on vous remercie beaucoup de Villevra Bondy. Alors je dis à la cadre, patience à vos médecins. Vas-y Amina, c'est bien. Alors Amina qui conduit aujourd'hui notre émission Métanoïac, il y a les musiciens, là tu veux faire un peu de musique, hein, Philanta, vas-y. Deuxième là, oui. Ami, Fofana, t'as Amina qui vient. Attends qu'elle finisse. Oui, c'est Fofanata qui joue le xylophone. On a deux joueuses de xylophone aujourd'hui. Il y a Alors aussi qui joue au xylophone. Tu veux faire un solo de xylophone, Alors ? Non, merci. Non, voilà, tous. Oui, vas-y, ici, tu peux parler, vas-y, au micro. C'est un xylopunctueur. Oui, pardon, excusez-moi, en fait, j'aimerais rétorquer sur le sujet cannabis. Je tiendrais juste à rappeler que la canaille, à la base des bases, c'est une plante et que tout ce qui est nature, tout ce qui pousse par la terre ne peut être malsain en aucun cas. Donc, je pense tout simplement que c'est la façon d'utiliser cette plante qui peut nuire à la santé de l'individu. Je tiens réellement à rappeler que c'est une plante, ça pousse naturellement par la terre. À aucun moment, je n'arrive pas à voir de cette plante de façon malsaine ou de la façon dont monsieur nous en a parlé. Cette plante, tu l'accueilles pas ? Elle se travaille. Tu mets la gueule à l'envers dans une cave avec des lumières pour que la... Oui, c'est sûr. Pour que la... Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut cesser de blâmer la plante, en fait. Il faut blâmer le consommateur, pas la plante. La plante, c'est une plante. On ne peut blâmer une plante. Merci, madame. La résine descend. La résine des feuilles. C'est vrai, quoi. La résine descend dans les feuilles quand tu la mets à l'envers et tu lui mets plein de lumière. C'est pas la faute de la plante. Oui, de sa faute à la plante. Elle existe, c'est tout. Maintenant, tu la travailles après. C'est comme l'ortie. D'ailleurs, la canaille est cousine de l'ortie. On se sert de l'ortie pour les maux de tête ou pour d'autres choses. C'est le consommateur qui... Par contre, si tu frottes les mains avec, ça sera... Ouais, non, là, ça, on est vite. Oui. Et pourtant, ça il y a un qui est pour moi, mais bon, tu ça soigne des allergies, de toucher l'ortie. Bon, ça fait mal, ça pique, mais ça a de bons effets secondaires. Donc, moi, je voulais juste rétorquer sur... C'est pas à la plante qu'il faut reprocher. Vous pouvez les lire pour problème. L'instant, après, vous les donnez. C'est au consommateur. Voilà, oui, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, et puis les médicaments viennent des plantes aussi. Hein. Oui, voilà. Ça, à aussi. La base, c'est des plantes. Et moi, j'utilise beaucoup les huiles essentielles, des choses comme ça, qui sont des bases, des extraits de plantes. Et après, il y a la chimie qui se joue après. Et puis... Oui, voilà. C'est toute une question des doses aussi. Hein, de, quel est le dosage, quelle est les molécules. Vas-y, Taji, tu voulais dire quelque chose Merci France, merci docteur Esa. Ça, c'est capable pour ce qui est drogué, ce qui est clown. Capable, ça, c'est pour moi pas capable ce qui est clown. Ici, Amina. Ça, c'est Valium, mon nouveau médicament château. Ça, c'est pas de sexe, drogué pour dormir. Moi, pas de Valium. Pas de médicament pas connu, docteur connaît bien. Ça, c'est efficace pour moi. Moi, pas de médicaments, exactement, chez bébé, moi, maman, moi, fou, moi, hashish, très fort bio. Connu? Pas connu. Maman, moi, fou, maintenant, morte. Pas de papa, pas de maman, morte. Ça, bébé, quatre petits, maman, pas d'école. C'est moi, maintenant, beaucoup de médicaments. Moi, pas de médicaments, moi, morte. Exactement. Mon parti maintenant, c'est un peu de Sada, pardon, hôpital ici. C'est moi, tous les jours, arrivé ici. Ça, c'est moi, gratuit, médicament. Il y a des mamans qui ont du lait qui est mauvais pour leur enfant. Bébé, mon médicament hachiche, pour dormir. Papa, moi, jette ici. Maman, non! Tous les jours, maman, hachiche, pour moi, pour dormir. Pour dormir, bébé. C'est ça. Mon parti maintenant. C'est oublié, docteur. Mon parti CMP. C'est oublié, c'est pas grave. C'est pas grave, tu peux. Moi, pas de fou. Médicament, moi, beaucoup fatigué. Toi, travail, moi, arrêté, inspecteur. Mais tu peux le travail, moi, pour arrêté maintenant. Pour asseoir là, monsieur. Hôpital du jour, tous les jours. Arrivé ici, tous les jours. C'est ça. Un peu comme on dit. Ça, c'est psychothérapie et docteur Sados. Docteur Sada, gros patron, ça c'est psychothérapie française. Moi, psychothérapie albanais, pas fou, pas d'expérience. Ça, albanais, pas fou. C'est drogué beaucoup, oui. Je vais poser une question à Isis. Pas de fou. Drogué beaucoup, albanais. Isis. Oui, excusez-moi. Qu'est-ce que la déontologie ? La déontologie ? Pour toi ? C'est un vocabulaire. C'est... C'est de la médecine ? De la médecine ? Est-ce que c'est une question ? La médecine... Il y a un médecin à côté de toi, tu peux lui donner la déontologie. Ouais. Bien sûr. Docteur ? On monte à... C'est un petit peu les lois de la médecine, hein ? N'est-ce pas ? Ouais. Est-ce que ce sont des lois naturelles ou ce sont des lois appliquées par des êtres vivants ? C'est de l'éthique, une question d'éthique, voilà. De moralité. Voilà. Donc, de philosophie sont des lois naturelles. Appliquée, en fait. C'est les humains qui les définissent. Ah, la déontologie, c'est défini par donc les c'est hommes. Pas naturel. Non. Ok. Bon, bah, je ça pousse pas dans la nature sur les arbres. Ah ouais, ça, c'est pour ça que j'ai pas trop compris ce que ça voulait dire. De quoi ? Bah, c'est par exemple, c'est un état d'esprit. C'est le fait. D'appliquer telle ou telle méthode pour traiter les patients. C'est aussi des règles morales à respecter. C'est-à-dire que, par exemple, la confidentialité. Oui. Patient-médecin, bah, ça, c'est de la déontologie. Ou la vie privée du patient. Ben voilà. Ben voilà. C'est de la déontologie. Oui. La déontologie. Oui. Bah, je trouve que la déontologie dans le corps médical n'est pas respectée. Bah, ça dépend patients. Des médecins, hein, sûrement. Enfin, après, je parle d'une majorité, surtout dans les grands hôpitaux. Après, je peux comprendre, c'est pas facile de gérer une énorme quantité de patients. Mais ça me fait beaucoup de peine, moi, de voir que certains patients ne sont pas respectés dans leur dignité, dans leur, dans leur, dans la, vous savez, la, la, la, la privacy de leur corps. Ah mais on est tous passés par l'hôpital, je pense ici, que voilà, que ce soit en psychiatrie. Mais je crois que on est obligé. Pardon, excuse-moi, j'ai pas terminé ma phrase, s'il te plaît, merci. Donc je disais que on est tous passés. La voilà. Médecine doit évoluer. Je n'ai pas totalement terminé, madame. Attends, Amina, une seconde. Amina, merci. Et oui, on a tous été. En tout cas, pour ma part, j'ai été aussi, oui, victime de ce système de soins qui souffre de beaucoup de maux. Mais il faut en parler. Ah ben j'en parle à mon niveau. Après, effectivement. Mais j'ai aussi reçu des très bons traitements. Il y a plein de facteurs, il y a plein de choses. Voilà. C'est sûr. Après, moi, si j'en parle de cette façon, c'est vraiment pour dire qu'il ne faut pas normaliser cette chose. Il ne faut pas la normaliser ni la naturaliser. Parce qu'on passe tous, c'est pas parce qu'on passe tous par ça qu'il faut naturaliser la chose, en fait. Ah non, c'est pour ça qu'il faut en parler. Ouais, du coup. Okay. Ouais, mais c'est un très bon sujet, en tout cas. Vas-y, Tadji, tu voulais dire quelque chose ? Merci, docteur Martin. C'est moi, rigole un peu. Moi, bébé, ici, c'est blanc, pelure, bébé. Bébé, oui. Blanc. Venez comme ça, bébé. Oui. Blanc, comme ça. Blanc, de couleur blanc. Oui. Viande. Venez, viande. La viande. Mon bébé. Ton bébé à toi. Oui, et ça, c'est... ça, bon, comme tout le monde, c'est maman discuter. Micro. Maman discuter, c'est moi un peu différent de tout le monde. Tu as un bébé ? Bébé, oui. Comment il s'appelle ton bébé ? Tachi pour moi. Tachi, ah, toi-même, comme bébé ? Moi, bébé, pas vous. Ah, d'accord. Je pardon. Oui, non, mais c'est tous on était bébé moi, un jour. Bébé. Toi, quand tu étais bébé ? Pas bébé maintenant, docteur. Mais à l'époque ? Moi, comme tout le monde. Oui. Moi, comme ça, maman. Moi, tu pleurais ? Moi, beaucoup pleurais, beaucoup hachiche, maman, pour dormir. Ça, c'est mon mélange, mais un problème maison. Mais il y a l'exon. C'est un élection français. Oui. Moi, pas capable d'arrêter l'élection. Pas capable. Oui. Ça, c'est mon idée. Idée. Fantasie. Tu te rappelles quand tu étais bébé ? Mon message, arrêtez l'élection, arrêtez la guerre Ukraine et Russie. Ça, c'est nature. Touche pas nature. Oui. Ça a explosé. Beaucoup virus. Beaucoup pas dormi. Beaucoup. Maintenant, gens. Pas de travail, médicaments ici c'est cher, ça c'est pas capable. Moi, arrêter les gens, arrêter la guerre, moi une idée. Idée arrêtée. Oui. Comme ça. Moi, retraite maintenant, télétravail, moi arrêter le travail. On entend quoi là ? Comme ça, oui, docteur ? Il y a un bruit étrange, non ? C'est quoi ce bruit ? Bloqué ? C'est mon téléphone. Oui. Le téléphone, il pète un plomb. Mais oui, voilà, le téléphone est devenu fou. Docteur Martin, moi, tous les jours, arrivé ici, moi, un peu différent que tout le monde, beaucoup intelligent, machine à côté de moi, livre, maison, travail bien, qualité. Oui, mademoiselle, madame, qualité, ça fait pour fille, pour garçon. Psychothérapie ici, moi, en France, beaucoup explosé, idée. C'est pas tout le monde de psychothérapie. Pour moi, différent ici, nature, lune, soleil, bleu, Alpes de France. Fille jolie, moi, dessin. Fille française. Comme ça, fille française. Ah oui, hein? La révolution ici, c'est femme française. Oui, merci. D'accord. Oui, bien sûr. C'est au club, moi. Bon. On a plein de sujets abordés. Amina, on est là, on est sur Radio Metanoia. On va peut-être mettre un peu de musique là, qui On the Low by Buster Chell, c'est ça. Tu peux présenter le morceau qu'on va mettre là. Oui, non, on a trouvé, mais c'est juste que si tu peux le présenter, c'est quoi comme musique? Attends, mais il faut que tu le. Attends, déjà, il faut que je connecte les câbles. Hé, hey, bonjour. Ce matin, on nous a demandé. Viens. Santana. Attends, asseyez-vous, on a la place, on est plein, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, c'est bien. On voulait mettre un morceau qui est de musique, là, je sais pas si on est bon, là, pour l'instant, on va mettre un peu. Attends, c'est pas ça, c'est les tops qui s'achargent. Non. Toi, pourquoi c'est pas? On est sur Radio Métanoïa. On commence à être chaud pour cette émission. Keep it It's 4 a.m. Somehow you found yourself in my DM again. Take a flight to France, cause you know I gotta get to this. Yeah, I gotta get to sis. Queen with the name I sis. Yeah, I gotta do some more, be the one that you adore. No, I got nothing to prove. I am that bitch that you do. You cannot fit in my shoes. Stay on the low, you could do what you do. I got no time to lose. I gotta do some more. Métanoïa sur Pinot. Oui, voilà, on est de retour. Merci pour cette chanson, elle est belle. Ta voix aussi, ça le fait. C'est magnifique. Micro, s'il vous plaît, quand vous parlez, micro, parce que sinon on ne comprend rien. C'est anglophone. C'est de l'anglais américain. Pardon. Ouais. Enfin, bonjour, Dune. C'est très joli. Est-ce que... vous voulais que je vous que oui. je fasse un petit une petite explication sur le sur la chanson. Oui, ah bah oui, tu peux. Ah ok. Alors cette chanson, elle parle, vous savez, de on a tous des projets dans la vie, mais on a l'impression que dans l'air ou autour de nous, on a plein de bâtons dans les roues. Il y a plein de cailloux sur nos chemins. Alors des cailloux, ça peut être des gens, ça peut être des circonstances, ça peut être des maladies, des handicaps, ça peut être aussi un manque de confiance en soi, ça peut être plein de choses. Et cette chanson, elle explique que... En fait, elle amène à créer ses projets dans la discrétion. Voilà, donc on the low, c'est dans la signifie dans la discrétion. Oui, under the low. Il y a des papiers. Attends, là, tu peux ouvrir cette porte. Tu as des papiers, des feuilles blanches là. Oui. Donc voilà, pour éviter les bâtons dans les roues ou les cailloux sur nos couper chemins. L'herbe sous les pieds. Voilà. L'herbe, t'en parles pas. Tu préfères la fumée. Ouais, je. J'avoue. Du coup, c'est vraiment une chanson qui dit faites-vous dans la discrétion, car nous sommes entourés de bâtons dans les roues, de cailloux sur nos chemins, et ça nous est ça plombe tous nos projets. Les projets, c'est sacré pour tous, à chacun ses projets. Alors c'est vraiment quelque chose qui incite à faites vos projets dans la discrétion. Ouais. Pour qu'ils s'aboutissent à la hauteur que vous souhaitez. Voilà. Oh, c'est joli. Merci pour cette traduction là. Oui, c'est vrai que toi tu parles l'anglais très bien. Tu viens de États-Unis, non? Oui, je suis née aux États-Unis. Quelle ville? Je suis née dans l'État d'Ohio, dans une réserve indigène. Ah. Waouh. Ta famille est des origines indigènes? Oui, oui, oui. Du coup, je suis indigène. Et je suis née à Ohio. La réserve, c'est la seule réserve d'ailleurs dans l'État d'Ohio. Oui. Mais voilà, du coup, c'est de là que je viens. Waouh. Ça te manque pas incroyable. Là-bas? Ça me manque énormément. J'ai le mal du pays. Ouais. Tu vivais en pleine nature là-bas? Ouais. Après, j'y suis pas restée très longtemps parce que je suis partie. Je crois que j'y suis partie quand j'avais 3 ans. Ah. Je suis partie de l'État à l'âge de 3 ans, mais. Et je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans. Ah oui. À Bondy ou ailleurs? Non, à Paris 12e. Et à Bondy, tu es venue comment? Tu t'es arrivée comment? Ah, ça c'est l'hospitalisation qui m'a amenée à Bondy. D'accord. Donc tu es allée à Paris et tu as débarqué à Bondy. Voilà, du coup je vis dans le 20e là, actuellement. Oui. Et donc si je suis hospitalisée, c'est parce que j'ai eu une petite crise de tétanie. C'est-à-dire? Oui, et donc mon corps ne pouvait plus bouger. Ah. Alors du coup, j'ai atterri à Thonon, et de Thonon, je suis arrivée à l'hôpital de Bondy. Ouais. Mais voilà. C'est la première fois que tu as cette crise ou ça t'arrive? Non, ça non, j'en fais pas mal depuis le coronavirus. Ah. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je fais pas mal de crises de tétanie depuis le coronavirus. Oui. Et c'est ça qui m'a emmenée ici. Ça peut être un long Covid, hein? C'est sûrement le collectif, en fait, je pense. Oui. Ça doit être quelque chose de collectif et ça fait peur. Parce que les crises de tétanie, c'est souvent déclenché par la peur. Mmh. Donc voilà, de voir qu'un dans le collectif qu'il y a du coronavirus partout, ça me tétanise. Oui, on était tous parano, hein, on laissait contaminer, on pouvait pas te parler, on était carrément tous comme ça. Et puis c'est bizarre parce que d'un jour à l'autre, c'est parti. Ça disparaît, c'est ça. c'est horrible. Attendez, prenez le micro. Attends, prenez ce micro là. Mais oui, tout le monde parle ici. Liberté de parole. On a envie d'entendre votre voix. Il est là, rien. C'est pas grave. Vas-y. Non, mais si on écoute bien ce qui se dit à la télévision concernant ce qui se passe dans le monde. Oui. Les Chinois ont eu l'extrême gentillesse de nous envoyer un autre virus. Encore un? Ouais. Qui a déjà fait pas mal de ravages. Comme ça. Mais quel... Bah, tu sais, il n'y a pas de date précise quand il y a un virus qui arrive. Hein. Non, mais depuis le coronavirus, il y en a un nouveau? Il y en a un qui arrive. Là, ah bon? Et qui a déjà fait à peu près 30 000 victimes. Ah, déjà? Bah oui. Attendez, oui, il faut bouger un peu la connexion, là, je pense, la connecter. Les câbles. Allez-y, parlez, Anne-Laure. Oui, non, voilà. Là, c'est bon, c'est mieux. C'est bon. Oui. Oui. Ok, donc il y a un autre. Oui, il y a un micro. pas appeler par terre. Voilà, voilà, là, parce que sinon ça fait du Larsen, mais. Ah ouais. Ouais. Donc ce micro, on va essayer de. Oh là là, ouais. Baisser un peu ce micro parce qu'il fait du Larsen. C'est pas grave. C'est comme ça, je vais le baisser un peu. Alors, tu disais quoi ? Que j'avais loupé ce train d'information. Ouais. Du dernier virus qui allait nous tomber sur le coin du nez. J'étais pas au courant. Comme quoi, ne pas suffisamment regarder les infos, ça n'a pas que du bon. Oui, mais après, il y a aussi de maintenant, c'est la guerre partout, les armements, les drones. Et ces drones, maintenant, tous des drones. Oui. Vous savez, en musique, il y a un truc qui s'appelle les drones. La drone musique qui fait comme ça. Avant, on appelait ça buzz la mouche. Buzz la mouche. Eh oui, bise la mouche. Eh oui, bise la mouche. Amina, on fait des drones là ? On fait des drones là ? On fait des drones là ? Les drogues LSD. Non, le drone. Pour redescendre, si on fait un back trip, faut manger du citron. Acide, mal pour le mal. Égal, voilà. Ah oui, tu penses que l'acide, ça combat de l'acide, ça ? Non, pour arrêter. C'est un pH neutre, le citron. Ah oui ? C'est un pH neutre ? Oui, c'est pH neutre. Non, c'est pour ça que ça fonctionne. Ah oui, d'accord. Non, non, vraiment. Mais j'ai entendu aussi que les pamplemousses, ça aide pas pour les gens qui prennent des médicaments. Ça. Ah non, c'est les pomelos. Pomelo, voilà. Les pomelos, c'est un peu les pamplemousses, mais plus grand. Enfin, les vrais, quoi. Voilà. Tu peux nous expliquer, Yamina ? Non. Ok, ok. J'y connais rien aux pomelos ni aux pamplemousses. Ok, bon, écoute, tu peux nous un peu expliquer quelque chose. Les agrumes en général, bah, ça se boit, puis c'est tout, quoi. Ah oui. C'est les vitamines le matin, voilà, quoi. Ça crame un peu l'œsophage, mais c'est pas grave. On a du gaviscon en recours. Et puis voilà. Substance un peu. Tu prends quoi au petit déjeuner, toi, Amina ? Pansement gastrique. Ouais. Tout d'abord, avant le petit déjeuner, bien sûr, ouais. Parce que même le café, c'est néfaste pour moi. Je crois que tout est un peu néfaste pour moi, autour de moi. Ah oui ? Ouais. Pas autour en ce moment, à l'heure, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, mais en général, ouais. Oui. J'ai tendance à m'isoler, me recroqueviller, mais m'établir sur moi-même. Me mettre en mode réflexion, je me recentre quand il y a... Des cailloux sur la route, comme disait Isis, des bâtons dans les roues. Et... Oui. Ouais. Mais l'autre jour, il y a quelqu'un. C'est un peu maladif. C'est peut-être tendance par attitude parano. Oui. Cérébral. Mais c'est pour ça la métanoïa, qui sert justement pour faire face à ces moments de parano en général. C'est pour ça qu'on s'appelle métanoïa, pour pouvoir aller au-delà de la peur. La peur de la réalité. Ouais, la peur de la vie, la peur de. C'est un peu. C'est chaud. Mais tu sais, moi, je pense que la réalité, c'est aussi une drogue. Ouais. Des fois, moi, j'aime trop la vie. Oui. J'aime trop. On me le reproche souvent. Ah oui. Autour de moi. Alors, du coup, je suis obligé de me replier sur moi-même. Ouais. Et voilà, j'ai bon cœur, par contre. J'ai trop bon cœur. Je sais. En étant replié. D'une. Je peux donner. Oui, oui, oui. Bah, tu donnes beaucoup, je sais. Je donne beaucoup, je pense, pas de ma personne, mais parce que je suis quelqu'un de minime par rapport à... On est une graine de cumin dans la main de Dieu, dans la pomme de Dieu. On est comme une graine de cumin. C'est joli, ça. C'est un poème, ça. Ouais. Non, qu'est-ce que vous pensez ? Attends, Dune, est-ce que tu veux pas prendre ce micro là ? Attends, je vais te le donner. Tu vas approcher de Mika. Bonjour tout le monde. Je suis contente de vous retrouver. J'ai raté la semaine dernière. La semaine dernière, moi, je change de sujet. Du coup, c'était le pot de départ du docteur, comme je l'appelais, votre seigneurie. Le docteur Hérault, donc c'était très sympa ce qui paraît, et aujourd'hui je suis là avec vous. Donc il y a beaucoup de personnes que je connais pas, donc ça m'intimide un peu. C'est oui, mais ça m'intimide un peu. Non, mais on mange personne. Non, ouais. Non, je sais bien, je sais bien, je sais bien. Assez, oui. Ah, c'est une question. Mais complètement. Et comment est-ce que tu t'appelles? À découvrir. Dune. Ok, enchantée, Anna. Et enchantée. Amina. Et Isis. Oui, comme les dunes. Merci. Est-ce qu'on se connaît soi-même? Je pense qu'on ne connaît pas suffisamment. Notre recherche intérieure, elle est toujours perpétuelle. C'est-à-dire qu'on nous connaît à travers les autres. C'est les autres qui font que nous sommes. Mais la recherche intérieure permet de nous aussi de nous ouvrir à nous-mêmes. Je ne sais pas si vous écrivez des textes, si vous avez des temps pour vous seul, de méditation, de spiritualité. Ça permet aussi de se, comme vous disiez, de se recentrer sur soi et de pouvoir faire un travail d'introspection. Alors parfois, il y a les avis des autres qui nous parasitent. Et on a tendance, selon les personnes, à nous invectiver ou nous critiquer ou nous dire des choses qui font mal. Ça, c'est le sens du partage. C'est-à-dire rencontrer les autres et pouvoir échanger avec eux et leur dire qu'ils ont des qualités, qu'ils sont merveilleux, qu'ils ont des dons. Je sais qu'ici, j'ai vu des personnes qui avaient des qualités incroyables, mais elles étaient cachées. Il fallait juste un peu les dépoussiérer ou les faire révéler aux autres. Donc je sais qu'ici, c'est un point où en fait les personnes, c'est des perles. C'est des perles. Pour certaines, à l'état brut. Mais justement, l'état brut, c'est ça qui fait beau. Quand une pierre est trop polie, elle perd un petit peu de son originalité. Et elle perd aussi de son éclat intérieur. Parce que même si elle est taillée, la pierre brute, elle semble plus jolie, mais elle a perdu aussi de sa consistance, de ce qui faisait qu'elle était. Elle est éphémère. Elle devient éternelle aux yeux des autres, mais justement, le travail d'introspection fait qu'on se retrouve nous-mêmes. Je ne sais pas si vous comprenez, mais voilà. Oui, on entend déjà ta voix, nous transporte toujours entre Amina et toi. Vous avez des voix incroyables. Ah, tout le monde a leur. C'est une majorité féminine aujourd'hui, c'est génial. On a des voix. Oui, c'est vrai, ça nous fait plaisir d'ailleurs. Ouais. Et puis voilà. Donc on est porté, on est bercé à la radio. Par le chant des sirènes. Oui, on est attaché là au marbre, on passe et faire. Oui, happé. Happé par le chant de sirène, attention. Mais on est en air, dans 3 minutes, on est sur le FM, enfin sur le DAB, sur Pinode. Et donc on va. C'est, dans 3 minutes, Amina va nous introduire. On en a lâché, hein, on n'avait pas tout mangé. Ah oui? Oui, je crois. Je sais pas. Hein. Ulysse s'est sauvé. Non, en fait, il a attaché toute sa tripulation, sauf lui, je crois. Non, il a bouché les oreilles de tout le monde, oui. Sauf lui qui s'est attaché, mais il s'est laissé entendre le chant de sirène. Oui, parce qu'il voulait les entendre, lui, hein, je crois. D'ailleurs, en parlant de chant de sirène, on va faire une petite intro dès qu'on est en air, là, dans 2 minutes. Amina va nous envoyer dans l'espace sidéral, et après, il y a Fofanata qui va nous faire un solo de xylophone, et toi qui vas y aller avec Alléluia. Ok, d'accord, Amina, tu es prête pour le décollage Métanoïa. Pour le décollage métanoïaque. Tout le monde est prêt? John, mets-toi à ta position, vous aussi, asseyez-vous, vous prenez le tambour, là, on va faire la musique. Métanoïa. Tous les métanoïaques, vous êtes prêts? Métanoïa. Le vaisseau spatial métanoïaque va décoller dans exactement 1 minute. Voilà, donc on peut compter, hein, si vous voulez. Hein. Voilà. Tuit. Non, attends. C'est dommage qu'il n'y ait pas Bastien. Hein. Ça manque de musique. Ça manque Bastien. Ouais. Mais manque de chant. Ouais, non, mais ça, là, on va chanter. T'inquiète, là, on a des chanteurs ici. Ici, tu vas chanter une chanson. Vous allez chanter une chanson. John, chantez. Ouais. John, il chante. Hein. Attention. Voilà. On est dans 30 secondes, on est dans l'air. Donc, quand je te fasse signe, Amina, tu fais ça. Et après, on va rentrer en musique. Fofanata, xylophone. Et votre prénom, j'ai oublié. Jean. Donc, Jean et John, à mes côtés, avec le sirène. Partout. Attachez-vous. Prenez place. On commence le décollage métanoïaque dans quelques secondes. 1, 2, 3. Bonjour, métanoïaque. La radio qui vous colle à la peau, votre seconde peau, à vous. C'est à vous. On écoute au djembé. Pour ceux qui sont taillés comme un djembé aussi, pour l'anatomie. Soyez pas complexés. Allez de l'avant. Go. C'est parti. Ok. Tribal. Je sens la brise du vent. Elle est douce, elle est belle. Elle m'emporte loin. J'entends le bruit des oiseaux. Ça me berce et me détend. Est-ce qu'il y aura mon bas noir? Le fameux serpent ensorcelant. Je suis sous un baobab. Ce baobab me raconte des histoires. Sur le bruit des tam-tams, je vois mes amis. De couloirs noirs ébène, nous sommes les mêmes. Sur les xylophones, par touches de piano, m'emporte avec le tam-tam dans des dunes nouvelles. Je n'ai pas envie de me lever, j'ai envie de rester allongé, car son tam-tam et moi, nous sommes des amis pour la vie. Bienvenue, on est sur Radio Metanoia. Voilà, on a Jean, Fofanata et Dune qui en est là. On a plein de choses à dire. Amina, tu peux nous présenter? Oui, voilà, déjà, applaudissement. Bravo, bravo, bravo pour cette intro. Voilà. Alors, on passe au sujet suivant. J'aimerais savoir qui aimerait être quelque part messager. Un messager comme ça, de l'espace. La musique de l'espace, la musique du désert ou la musique métanoïaque. Qui aimerait être un messager? Oui, alors? Mais j'ai des très grandes antennes. Oui? Ah oui, c'est moi. Oui, allô? C'est moi. Oui. Ah mince. Il y a vraiment une... Je pense en... Oui, alors, je disais que grâce à mes grandes antennes, 100% naturel, bien évidemment. Je capte très haut dans le cosmos, voire même dans le métaverse. Je peux aller très loin. Donc, je veux bien intercepter. Enfin, quand j'intercepterai quelques musiques, Je veux bien faire facteur après et en ramener quelques-unes ici. Parce que des omnis musicaux, j'en croise beaucoup puisque je passe ma vie dans la musique. Donc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu peux nous donner un exemple des captations extrasensorielles ? Ah oui. Alors, par exemple, en ce moment, dans l'électro française, alors il y a ce qu'on appelle la French Touch. La French Touch, c'est une vague musicale qui est apparue dans les années 90, lancée vraiment par des groupes français, ce qui a fait briller notre bel hexagone à l'international à ce niveau-là. Et cette tendance musicale est actuellement en train de se renouveler et ils vont piocher dans le passé pour aller poser des sons électro sur des grands classiques. Et alors, par exemple, il y a cette musique Say, c'est donc un DJ qui s'appelle Keigo, un DJ actuel, qui a repris Paul McCartney et Michael Jackson et qu'on a fait une composition électro de notre époque, bien actuelle, elle est sortie il y a peut-être 2 mois. Et ça s'appelle Say. Say. Et c'est qui fait le mix, tu dis ? Keigo. Keigo, hein, oui. Parce qu'il y en a plein de mix. Oui, alors K-A-Y-G-O. Oui, pendant qu'on cherche... Mais j'aime bien cette idée de capter en fait les choses. Moi, c'est pour ça que j'aime bien la radio, parce que je pense que c'est un peu comme la perception, tu vois, et qu'on capte des ondes invisibles des fois et on perçoit des trucs que les autres ne captent pas. Par exemple, Amina, elle a ses dons de capter des choses que les autres, de l'invisible, quoi. Et on avait un projet avec Amina, on l'a encore, de transformer tout ça dans un jardin hallucinatoire. Tu te rappelles de ça, Amina, ou pas ? Un jardin musical sensoriel. Ouais. Sur des éléments qui ne se défilent pas. C'est-à-dire qu'on ne déchaîne pas. On ne peut pas déchaîner ces éléments. On les utilise pour s'en soigner, sans faire des loisirs, mais pour les percevoir surtout. Pour les percevoir charnellement, sensoriellement. Oui, en fait, parce que dès qu'on transforme une hallucination en quelque chose de perceptible, c'est plus l'hallucination, c'est l'art. C'est palpable. Voilà. Ou pas. Ouais. Oui, on devient... Il faut qu'on fasse ça, hein. On a plein on de devient projets. Sujet de ces objets. De ces... Ouais. On devient les sujets de... Des objets, c'est joli. Oui. Les objets nous rendent sujets. Mmh. Voilà. Donc... On va mettre Alléluia d'abord au Keigo. Ce n'est pas de la soumission. Oui, j'ai trouvé, mais qu'est-ce que tu peux faire qu'on mette d'abord ? Bah là, au moins, c'est cohérent. Okay, Alléluia d'abord, ok. Ah, d'accord. On va écouter un peu ce qu'on a parlé tout à l'heure. De mix. Merci Amina, tu ne nous laisses pas parce que c'est toi qui conduis aujourd'hui l'émission. Bonsoir, bonjour, merci, bienvenue. On est là tous les mercredis, on est sur Pinot, on est à Metanoia. Et on va écouter un peu de la musique que nous a montré alors. Si on arrive à les trouver. Attends, c'est ce que c'est là. Hop. C'est ça ? Say what you want, but don't play games with my affection. Take what you need, but don't leave me with no direction. All alone. Ça danse, Metanoia. Tout le monde danse. Allez, on Metanoia, tout le monde se met debout à danser. Vas-y, mais Amina, tente. Tout le monde danse. Babo c'est qui danse. Ça danse, ça danse, ça danse, ça danse ici. C'est la fête de la conscience. Pour cette musique, c'est super. C'est ce que j'appelle un ovni musical. Un ovni musical. Et là, tu voulais mettre autre chose aussi, non? C'est... On va enchaîner avec. Avec tu voulais, grand plaisir, tu... une séquence émotion. Tu peux nous présenter un peu ce que tu vas dire, tu vas. Oui, alors allez. C'est vrai que c'est une musique que j'ai déjà enregistrée plusieurs fois. Il y a tellement de versions de cette chanson. C'est Leonard Cohen à la base. Jeff Blockley en a fait une interprétation magnifique et beaucoup d'artistes y sont essayés et comme je n'ai pas froid aux yeux et que j'aime la musique, je m'y essaye depuis quelques temps et c'est vrai qu'il y a une version que j'affectionne particulièrement, c'est celle de Boys Avenue. Alors c'est un boys band des années 90 je pense, que j'ai même pas retrouvé, mais en l'occurrence, je trouve que la version telle qu'ils mettent l'intention, je la trouve assez. Enfin, je trouve qu'elle est assez cohérente avec le message de ce. C'est un texte d'amour qui est voilà rempli d'émotions très diverses et je vais l'interpréter en duo avec Boss Avenue donc vu que j'ai pas pu faire l'enregistrement avant. On va la voir. Tu sais, on va recevoir de l'équipement, on va faire de ces enregistrements. Sinon, on ira au studio des Pinode avec nos amis à enregistrer ta voix. Donc, je avec mets grand ça. Plaisir. Et on te suit après. Well, I heard it was a secret code. David played and he played the love. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major leap, a passive king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. And share. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew you hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. This love I used to live alone before I knew you. And I've seen you fly, got a mad bird heart. Love is now. a victory march. It's a cold and it's a broken. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Alors, merveilleuse voix, merci toute ta présentation des antennes. Malgré ma voix un peu cassée liée à ma soirée dub de bonsoir. Ouais, faut que tu nous invites à tes soirées dub la prochaine, on y va. Et là, on a John qui vient de pondre un texte. Il va nous faire un texte. Comment s'appelle ton texte, John? Ah, très court, très court. Vas-y, John. Alors, je voulais dire à tous les petits loups. D'où que vous soyez, allez où vous voulez, les seules frontières sont celles du cœur. Et ce qu'on doit avoir à l'esprit, c'est de faire preuve de fantaisie. Oh, magnifique. Quel poète, Paul, tu en manquais. Tu as toujours des poèmes comme ça, courts, incisifs, qui viennent comme ça. L'argent, c'est l'art des gens. Mais c'est vrai, hein, ça vient de là, les mots argent, ouais, c'est ça. Oui, mais quand tu prends le micro, quand tu veux, tu lances des phrases, hein, ouais. Parce que... John, c'est une machine à inventer comme ça des associations rapides. La simplicité, tout l'art de la simplicité. Ouais. Selon nos chers bouddhistes, ça vient de l'Orient, la simplicité. La simplicité, ça vient de. Ouais, ouais, la complexité et la simplicité. Les deux marchent ensemble parce que pour saisir la complexité, il faut passer par la simplicité. La sagesse, c'est la sagesse, l'éléphant, chez les hindous. Ouais. Et l'humanité d'une main, Bouddha de l'autre. Et on applaudit. Everybody claps your hands. Everybody claps your hands. On applaudit comme des otaries. Oui, on est sur Metanoia et Amina aujourd'hui conduit cette émission parce que Amina, elle était au début de Metanoia, ça fait 2 ans dans tous les processus Metanoia. Qu'est-ce que tu peux nous raconter? Je suis toujours au fil de l'eau de Metanoia. Ouais. Si tant est qu'il y en ait, qu'on en ait besoin. Si on pouvait se passer de manger, de se nourrir, de s'alimenter, ouais. J'aimerais bien, ça m'arrangerait bien. Financièrement et même... gustativement, j'en ai rien à faire de la nourriture. L'eau, c'est la vie ou c'est le sang, je sais pas. En effet, le sang est fait à partir d'eau, mais pour les infirmiers, les médecins, dans la, ouais. de la médecine, c'est le sang, la vie. Sinon, c'est l'eau. Bon, sur la Lune, il n'y a pas d'eau, mais il y a des traces, puisqu'il y a des cratères sur la Lune où il y avait des traces d'eau. Attends, Jason, ne quitte pas. Ah oui, c'est magnifique, tu dis. Et puis, on a un appel, vous savez, de Jason. Jason, un autre métanoïaque de la radio, qui va passer en direct sur les ondes. Là, il nous appelle, je ne sais pas d'où. Attendez, je vais le connecter. Attends, Jason, tu peux parler, hein, vas-y. Tu m'entends? Ouais, je parle. Les pronostics du match, la finale Europa League. Ouais, cool. FC Séville, AS Roma. Ouais. Un club espagnol et un club italien. La finale ce soir à 20h50 sur W9. Ouais. Et je vois une tonne de buts ou prolongation. C'est quoi ton pronostic pour le match de ce soir, Jason? Moi, je dis un 3-2 ou 2-1. Ah, et tu penses... Pour Séville. Ouais, et tu es sur place, j'imagine, là. Hein? Tu es sur place, tu es là-bas. Ouais, je suis là-bas. Ouais, bah c'est cool. C'est à Budapest. À Budapest. Et il fait beau à Budapest? Ouais, il fait beau. Ouais, super. Tu es allé... ouais, j'imagine, c'est un long voyage. Mais c'est super ouais, que tu nous amènes. Ouais, c'est un long voyage. La chronique sport de Jason, c'est ça. Et, ouais. Et raconte-nous, tu as pu t'interviewer avec des joueurs qu'est-ce que t'es... Non, je n'ai pas parlé aux joueurs, ils étaient occupés à l'entraînement. Ah oui. Alors, ouais. Et qu'est-ce que... Quelle autre chose tu peux nous rapporter? Il y a des gens blessés, il y a des gens... Ça va être une finale assez compliquée parce qu'on voit deux équipes très fortes. Oui. Il y a Rakitic dans Séville. Oui. Et dans l'AS Roma, je ne sais pas, il y a des bons joueurs aussi. Oui. Pas bah, super. Il y a Brian Gill aussi dans Séville. Alors, voilà. Oui. Et tu penses que. Tu suis aussi Roland Garros, Jason? Hein? Tu suis aussi Roland Garros? J'ai regardé Roland Garros samedi. Oui. Non, c'était dimanche. Dimanche. Ouais. Mais j'ai pas regardé beaucoup, quelques minutes. Après, 2 minutes, je peux pas vous dire. D'accord. Et c'est quoi ton pronostic pour Roland Garros? Je vois Roger Federer en finale. Ouais. Avec l'autre meilleur joueur là, comment il s'appelle? Roger Federer et un autre joueur de tennis. Oui, d'accord. Tu suis aussi ça, parce que c'est toi notre chroniqueur de sport de Metanoia. Ouais, ça a commencé dimanche. Ok, ouais. Super. Ok. Ouais. Attends, Amina, vous voulez te dire un truc? Tu peux parler au micro, là, parce qu'il nous entend. Oui, hein? C'est Jason. Oui. Jason. Ok, tu m'entends, c'est moi. Amina, je t'appelle de Metanoia, le studio de... Je ne veux pas rester longtemps. Roland Garros, j'aimerais savoir ce que... Allô? Ça donne là. Oui, attends. Tu suis un peu le grand chelem. Attends, il y a le bus qui passe. Il y a le bus. Tu es à Budapest. Fais attention, hein. Fais attention à toi. Tu nous amènes de souvenirs de Budapest. Ouais, salut. Merci à ton appel. Salut, Jason. Au revoir. Au revoir. Et voilà notre chroniqueur sport, Jason. Attends, micro s'il vous plaît, parce que là, ça n'entend rien sinon. Pourquoi t'as parlé de Budapest? Parce que c'est là qu'il est, c'est le match de foot de ce soir. C'est notre correspondant, il part là-bas, et puis après il nous amène, il nous appelle. Quand il ne vient pas, il nous appelle, il nous transmet. C'est lui qui s'occupe de sport à Medanoia. Hein, faut... Il est à Budapest là? Oui. Ah, super. Voilà, il nous appelle en direct. Ah ouais, ouais, voilà. Bon, voilà, on continue. Amina, on continue le programme, vas-y. Guide-nous à travers la métanoïa. Je trouvais la voix magnifique de notre sirène reine qui est au djembé, là, qui a repris le djembé. Apparemment, elle est tombée sous le charme d'un bédouin, ouais, un gnawa. C'est chez nous, hein, on est tous issus. Du grand continent africain. Attends, peut-être tu peux mettre le micro à djembé, comme ça on peut écouter le djembé à côté du djembé. Juste là, comme ça. Tu es africaine? Mais il n'y a pas d'Africain autour de toi. Tu n'es pas en Afrique. Si, dans tu es esprit, sur Metanoia. Dans mon esprit, je suis loin. Comme j'expliquais, il suffit de fermer les yeux et avec un peu d'imagination et de lâcher prise, on peut être où on veut, là où on veut, sans obstacles, sans frontières. Je suis partie à une conférence il n'y a pas longtemps. C'est une conférence Hello, force ouvrière. Je ne suis pas de ce parti, mais la question des frontières a été soulevée. Les frontières que l'homme a créées. Elles sont réelles ou irréelles? Tout ce que je sais, c'est que j'ai vu beaucoup de personnes. Au nom de cette unicité, soi-disant, ils ont traversé mer, terre et continent. D'Afrique. Ils ont tout laissé derrière. Famille, enfants, tonton, tata, plat, soleil, pour venir ici, dans ce bitume et ce gris. À nous de rendre ce bitume et ce gris joli. À nous de les accueillir et de faire en sorte que ce sacrifice ne soit pas vain. Je suis africaine, je suis née en Algérie, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est. On est d'Afrique, mais nous sommes partis, nous faisons partie de cette humanité, pardonnez-moi. Donc tu fermes les yeux et tu oublies. Je me sens un peu différente, je suis marocaine, ouais. On voyage beaucoup. Touareg, les hommes du désert, les Sénégalais passent par le Maroc pour venir en France. On aime beaucoup les Africains noirs. Ouais, en Algérie, je sais pas, il y a des négroïdes aussi, je crois. On ne dit pas des négros, pardon. Négroïdes, si, des traits. Noirs, j'aime pas ce terme-là. Je le trouve... mais négroïde, c'est un terme qui a été utilisé par les colons, je crois. Et négroïde, pardon de le dire, mais je n'aime pas. J'aime pas du tout. Mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, je voulais laisser spécifier un petit détail mystique concernant les Maghrébins. À la base, avant d'être africain, vous êtes Atlante. Atlantis. Vous êtes Atlante. Et vous êtes devenu africain en vivant sur le continent, une fois que vous y êtes remonté. Un petit message mystique. Tu veux dire qu'on vivait sous l'eau avant, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, tu dis... ça marche. Tu dis quoi? J'ai pas compris. Ça explique mes grandes nageoires. Merci. Je pense que le continent, il n'était pas le continent d'aujourd'hui. Tout était un bloc. Et progressivement, les choses, les plaques se sont progressivement écartées et les continents sont apparus. Après, pour ce qui est des découpages du continent, c'est une autre histoire. C'est de la géopolitique. Et pour cela, je préfère pas faire de politique ici. On est comme une graine de cumin dans la main de Dieu. C'est très, très, très, très et joli. Et après, ça s'est dissipé, dispersé, comme la terre. C'est beau ça, c'est un grain de cumin. Comment tu dis? Tu peux répéter? Nous sommes dans la main de Dieu comme une graine de cumin. Comme la terre qui s'est dissipée. Dégager des fluides et de l'énergie. C'est très joli ce que tu dis. C'est des poèmes en entier, tout joli, tout chaud. Une graine de cumin. Ça me fait penser à un bon petit pain bien chaud. À se mettre sous la dent ou sous le nez pour sentir la saveur du cumin. On est en plein de poésie. Moi, j'adore quand Amina conduit cette mission. On fait tout. Qu'est-ce que tu voulais dire, Laure? Vas-y, on t'entend. Merci, Isis, pour cette précision mystique. Ah, de rien. Attends, mais tu dis en fait que tous les gens qui viennent d'Afrique, en fait tous, parce qu'on les humains... Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Je parle, je vais préciser, tous les gens du Maghreb, donc Maroc, Tunisie, Algérie et Égypte. Donc, Kabyle, enfin, berbère ou arabe confondu, ou t'es que sur des berbères, là ? Je vais pas préciser. C'est vraiment juste tout. Parce que t'as des origines très différentes, en fait, au niveau des peuples aujourd'hui vivent mais aujourd'hui, au Maghreb. Mais avant. T'as déjà des origines de base très différentes. Oui, c'est très vrai. Aujourd'hui, c'est vrai. Mais. C'est à l'époque des Arabes de la... qui viennent d'Inde. Donc, les Arabes qui viennent d'Inde, ils viennent pas de l'Atlantide. Oui, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est pas comme. Je le mentionnais pas comme ça. C'est à l'époque, on va dire, de la Tour de Babel. Vous veniez à la chute d'Atlantis, parce qu'à la chute d'Atlantis, c'est que ces êtres se sont transformés en pierre. Donc pour ceux qui connaissent la légende, et pour les survivants, vous êtes remontés à la surface, et ce qui a donné les Égyptiens, les Maghrébins, donc Maroc, Algérie et Tunisie. Et tu dis vous comme si tu n'en faisais pas partie, tu sais quelle tête t'avais. Je sais que je suis une Atlante aussi, je le sais. Ah bah tu dis vous alors, bah dis-nous alors. Nous, pardon, excusez-moi vraiment, désolé. Tu as raison, nous, précision, nous tous, le métanoïaque. Non, c'est vrai. On ne lancera pas le débat, hein. Je crois qu'on est tous des bâtards quelque part. Non mais ça c'est pas cool ça d'avoir dit ça, c'est vraiment pas cool. C'est pas cool. Ouais, c'est pour les animaux qu'on dit ça. On dit, c'est pas cool. On dit une race. Bon, race non plus. Race, c'est un mot adapté après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, qui a été inventée par les Européens, les Français. Et voilà. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai tout ça. On est des, Atlantes et vous pouvez reconnaître les Atlantes sur la forme de leur visage. Ah oui, sur quoi ? Bah, regardez la forme de vos visages, elle est très similaire. Tu dis nous alors qu'on a dit vous. On a dit, non, t'as dit non, vous alors dit qu'on a dit nous. Voilà. Ah oui. Pardon, excusez-moi parce qu'en fait moi je le vis que je suis une Atlante. Moi je dis que je suis africaine dans mes gènes et dans mon sang. Ah oui, c'est sûr. Et il y a du sable qui coule dans mes veines. Et en même temps, je vais dire quelque chose, je suis d'une double culture comme beaucoup. Je suis française, algérienne, africaine. J'ai grandi ici, donc je suis française aussi dans ma culture. Il y a un autre micro aussi, là. C'est beau. Vas-y, prenez, il y a des micros. Ce qui compte, c'est la laïcité, la liberté. Mais tu disais qu'on est tous Atlantes, là, ou pas? Non, les visages, c'est comme... Attends, prends un micro. Pas du tout. Je disais que tous les Maghrébins et les Égyptiens sont des Atlantes. Qui sont devenus africains avec les millénaires, quoi. Ça fait très très très longtemps. Hein. Je parle d'une époque d'avant la Tour de Babel. Ah oui. La Tour de Babel, ça date quand même. Ouais. Si je parle de cette époque, depuis cette époque jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'imagine bien que notre ADN a muté en une ADN africaine. Ça, c'est sûr. Amina, tu as un micro juste à côté de toi. Voilà. Mais voilà. Alors, il y a cinq... Il y a cinq natures. Il y a les noirs, les blancs, les jaunes, les cuivrés et les peaux rouges, comme peau. Et les beiges. Un jour, j'ai demandé à mon neveu... Six. De quelle couleur ? Non, il parlait de son ami, qui était noir de peau. Il disait, je veux avoir les cheveux comme lui. Et je lui dis, pourquoi ? Il m'a dit, parce qu'il ne pousse pas vite, et moi, les miens, ils poussent trop vite. Et je lui dis... Il me dit, il est noir, j'aurais voulu être noir. Et je lui dis, pourquoi ? Tu es de quelle couleur, toi ? Nous, on n'est pas beige, on est cuivré. Il m'a dit, je suis beige. On descend des Égyptiens. J'ai trouvé ça tellement mignon. On descend des Égyptiens, les Nord-Africains. On a muté. Micro. Moi, j'ai envie de dire que je n'ai pas de couleur. Je n'ai pas de couleur. Il y a cinq couleurs. Il y a les peaux rouges, les jaunes, les blancs, les noirs et les cuivrés, qui sont les Égyptiens. Les peaux cuivrées, les Égyptiens dorés cuivrés. C'est vrai. Ah oui. Les roses, ça, c'est les géants, ça. Cinq formes de visage. Cinq formes de visage. Les visages triangles, les visages carrés, qui se disent formes de diamants, avec des mâchoires carrées. Les visages ovales, les visages ronds, et les visages ovales, carrés, ronds, triangles, et en forme de diamant, voilà. Mais ici, tu disais aussi qu'ils ont cette table, il y a des Atlantes. Qui sont les Atlantes ici? Alors, ici... Levez la main, les Atlantes. Alors, je ne connais pas vos prénoms, mais mademoiselle ou madame alors, et madame. Bah, mais oui, vous, c'est elle qui sait. Enfin, ouais. Moi, je veux bien, ça me plaît. Moi, je suis d'accord, je suis d'accord. Voilà. Et comment tu reconnais les Atlantes? De leur visage et leurs jambes. Ah oui, alors ça par contre, ça m'intéresse de connaître mes spécificités atlantes. Je peux dire quelque chose, pardon, oui, de couper. Ben, je suis désolée, mais l'hypothèse qu'on soit atlante parce qu'on a un visage fin et tout ça, eh ben, je dirais que les peuls, parce que moi on me prend parfois pour les peuls quand je suis avec des amis africains, eh ben, les peuls ils sont grands, ils ont le visage très très fin, et pourtant ils sont africains. J'ai pas défini les Atlantes avec leur visage. Si, tu as dit à un moment donné qu'ils avaient le visage fin. C'est un critère parmi tant d'autres. D'accord. Bon, on va passer au continent dont on parle jamais aux actualités, qui se passe jamais rien du tout. C'est l'Australie. Quand ils ont débarqué, les Anglais, les Aborigènes leur ont laissé la terre, ils sont montés sur les arbres. Ils ont pas fait la guerre. Et moi, je suis des Winfield. Avec le kangourou au-dessus, maintenant il n'y a plus le kangourou. Et j'aime plus. Alors je prends des Winston ou des. Enfin, je fume des blondes, quoi. Je fume les blondes. Tu fumes les blondes? C'est marrant. Oui, mais. Pas les rousses. J'y touche pas les rousses, je ne sais pas ce que ça peut apporter. Ouais. C'est mais... rare comme. Ça envoie d'aparité. Oui. D'apparition. Voilà, mais ici, tu as écrit un texte sur l'anatomie que tu me l'as donné, là, mais tu peux faire passer. Attends, tu peux faire passer le texte là. Il dessine, il écrit autre chose. En plus, tu as des super beaux tatouages, je vois. Merci. Vas-y, prends le micro. C'est tu as ici même, tu as ici sur ta poitrine, tu es vraiment ici en fait. Ah. Tu es totalement égyptienne. Oui, je suis métissée, mais je suis. Pardon. Alors oui, je suis métissée de mes deux parents sont métissés. Donc mon père est métissé. Alors il est égyptien, chinois et russe. Waouh. Et ma mère, elle est japonaise et indigène de 3 tribus différentes. Lesquelles? Alors Arawak, Taïn, ça c'est la tribu des îles. Nehiyan, qui est une tribu localisée au centre des États-Unis, et les peaux rouges. Ouais. Donc, enfin, pour ses origines. Les Antillais ont des origines indiennes aussi. Les Indiens sont venus aux Antilles. C'est pour ça qu'on les appelle les West Indies. Les Indiens d'Amérique du Sud, pas les Indiens indiens. Non, il y a aussi les Indiens d'Inde. Les West Indies, c'est les Indiens d'Inde. Les traits, d'ailleurs, on retrouve les traits vraiment physiques. Ouais, de tout temps, on a voyagé depuis le petit singe chinois au grand singe africain. Elle parle l'arabe d'une manière magnifique. Il y a deux sortes de singes. Il y a le... Qui ça? Attends. Amina, finis ta phrase. Il y a deux sortes de singes, nous descendons, ou alors on monte du poisson. Chacun sa théorie. Moi, ma théorie, c'est qu'on est des œufs de dragon. Il y a le singe chinois, le petit singe chinois de Chine. Pardon. Et il y a le grand singe, le gorille, le grand singe africain noir. Bah, pas tous, quand même. Il y a le noir et le jaune, à la base. Tu penses? Attends, ici, tu as une théorie. Moi, ma théorie, c'est qu'on est des fœtus de dragon. Ah oui? Oui. Pourquoi? Parce que avant la chute d'eau, à quoi ressemblait notre monde? Vous vous en rappelez? Des serpents ailés. Non, j'ai pas dit ça. Avant la chute d'eau, à quoi ressemblait notre monde? Un volcan géant. Ah oui. La chute d'eau de Milan, qui a... Enfin, vous vous rappelez plus? On a appris ça à l'école quand on était petit. C'était pas la chute d'eau, c'était l'ère glaciaire. C'est pas dans la même classe. Hein. C'était l'ère glaciaire, je crois. Ce monde était un monde volcan avant la chute d'eau, oui. qui a ramolli la roche et qui a donné la terre. mais on vit, ce monde était un monde volcanique avant la chute d'eau. On apprend ça à l'école. En partie, non, mais c'était pas la Terre n'était pas une fusion géante non plus. Hein. Mais il y a eu un moment où effectivement il faisait très chaud, mais. Enfin, en tout cas, après, c'est juste. Enfin, c'est ah oui, théorie. Oui, non, il s'est passé tellement. En fait, ça c'est. C'est un processus tellement d'époque. Tellement long. Oui. Ouais, c'est ça. C'est un processus tellement. Après, c'est juste mon opinion. Moi, je pense qu'on est des fœtus de dragons. Oui, c'est joli. Tu sais qu'il y a une théorie. Tu vois, les serpents ailés chez les Mexicains, il y a Quetzalcoatl, ou les dieux. En fait, c'est les serpents avec des ailes. Si. Un dragon, c'est un serpent avec des ailes. Oui, hein. oui, c'est ça. Et un hippocampe, c'est un petit dragon de oui, oui, on est d'accord. Permettez-moi, d'accord. Hippocampe. Permettez-moi, là, je viens de recevoir une bonne nouvelle par rapport à deux mois. Mon médecin vient de me voir que je vais être affecté à la clinique de Olney dans le 95 à cause de cannabis. Pour enlever dans mon corps et ils vont me faire des traitements et pour que j'oublie cette cannabis. Ouais. C'est une clinique avec laquelle on travaille. C'est une très bonne clinique. On travaille avec elle depuis peu de temps, je crois. Très bien. Ok. Très bien. Oui, attends, mais micro, mais c'est intéressant cette théorie ici. Et après, tu peux nous lire le texte que tu as écrit. Après, on va aller mettre un peu de musique de l'espace. Bien sûr, bien sûr. Vas-y, attends, Elisabeth voulait parler. Vas-y, Elisabeth. Oui, je suis allée faire un petit tour sur Internet, là, sur Google. Et tu parles d'Atlantis ou Atlantide. C'est la même chose. D'accord. Alors, en fait, l'Atlantide a été engloutie par l'eau, quand tu parles de chute d'eau. C'était en 9600 avant Jésus-Christ. Maintenant, il y a une autre chute d'eau, c'est celle de Noé. Ah oui, non, moi je parle de la toute première chute d'eau. Donc c'est celle qui a englouti, et c'était en fait un... Non, c'est pas un ouragan, c'est... Enfin, c'est comme... Non, c'est... Je me rappelle plus. Non, je l'ai retiré. Mais c'était comme un ouragan, ces énormes grosses pluies... Mais c'est la boue des volcans. Tornade, oui, voilà. C'est pas la boue des volcans qui a débordé. Il parle pas de volcans. Mais c'est intéressant cette théorie qu'avant c'était un volcan, parce que c'est vrai qu'on nous apprend que c'est un glacier, puis un volcan. C'est-à-dire que Vénus, par exemple, qui a plein de volcans, ça peut être une proto-terre. Dans quelques années, il va y avoir des dragons en Vénus. Est-ce qu'on va tous les métanoïaques à chercher des dragons en Vénus? Amina, comment on pourrait aller à chercher des dragons en Vénus? Je pense que c'est une rencontre, un partage humain et comment on appelle le groupe phénoménal des dragons. Le phénoménal des dragons. Ouais. Le groupe phénoménal des dragons avec l'ère humaine. Bah c'est cool, mais il faudrait faire amener les dragons là ici, Samina. Vous êtes les commandos des dragons. Un troc. Ouais. On leur donne le Covid et puis ils donnent leur sel. Voilà. On échange le Covid contre des ailes de dragon. Ouais. C'est bon business, ça. Ouais. Quoique nous, on n'est pas business. Ici, vas-y, développe ta théorie. Sur les fœtus de dragon. Oui. Oui, alors, vous voyez les Asiatiques. Oui. Les Asiatiques vivent. Donc, leur continent est isolé de tous les autres continents. Parce qu'eux, ils le vivent, qui sont des fœtus de dragon. Ils apprennent ça à l'école, ils apprennent les lignées de dragons d'où ils viennent, ils apprennent quel dragon a accompli quelle culture dans le pays. En tout cas, en Asie, c'est comme ça, c'est une civilisation de fœtus de dragons, l'Asie. C'est pour ça qu'ils sont isolés des autres continents. Et puis, ils y ressemblent vraiment. Enfin, ils le vivent comme ça, quoi. Et à l'école, ils l'apprennent. Il y a beaucoup d'Asiatiques, surtout les anciens, qui se retirent justement de ce monde et qui vivent dans la nature et qui ont une longévité de vie énorme et qui fuient cette... C'est lié à leur sang de serpent dragon, donc. Non, c'est vous réel. Vous êtes au courant, docteur Réau, ou pas? De quoi vous parlez? Et de quelle lignée de dragon vous venez-vous? Lignée de dragon. De toute façon, j'ai toujours senti qu'il y avait un truc. Attends, on va te donner un dragon. Ah. Ah, voilà. Un dragon très spécial. Un dragon lit. Non, mais attendez, laissez finir l'idée à Isis, là. Ah non, mais c'est... Non, mais on revendique. Sur, ouais. sur le même Isis, thème. Hein. Alors, ma théorie... Bon, alors, à mes yeux, ça n'est pas une théorie, c'est un fait. Maintenant, vous le prenez comme une théorie, je... Voilà. Mais nous sommes des fœtus de dragons. Comment vous le montrez ? C'est-à-dire qu'il faut qu'il nous pousse des ailes et qu'on lance du feu. Alors, nous n'avons jamais pu éclore, car pendant la première chute d'eau, comme on a appris à l'école qu'il y a une chute d'eau de 1000 ans, un bébé dragon a été abandonné sous l'eau et elle n'a jamais pu grandir. C'est comme ça que la progéria est née. Et ce bébé dragon nous a transmis la progéria. Il n'a jamais pourri, il n'a pas coulé. Si, elle a fini par pourrir, le corps du bébé dragon a fini par pourrir. Mais c'est comme ça que la progéria a été transmise à tous les descendants. Une progéria qui fait qu'on n'a jamais pu éclore. Et comment il faut faire pour pouvoir éclore? Vous n'avez rien à faire, c'est tout fait déjà. Ouais. Je sais pas si vous intéressez à la science. Ouais. Alors je me renseigne énormément sur chaque ère que nous traversons. Et en ce moment, nous traversons une ère de transition. Certains appellent ça l'apocalypse. Moi, j'appelle ça une mutation ou l'évolution de la population comme à chaque ère. Comme voilà, nous n'avons pas la même anatomie que les hommes préhistoriques. Et donc j'ai appris par la science que nous traversons une ère de mutation. Mm-hmm. Donc ça, c'est dans la science nous dit que nous traversons une ère de mutation et que nous allons éclore. C'est l'ère métanoïaque peut-être, non? Parce que métanoïa, ça veut dire mutation de la conscience. C'est le sujet, alors. C'est vrai, parfaitement aligné. Ouais. Mais en tout cas, vous pouvez vous renseigner, si vous voulez, sur, magazines, bouquins ou internet ou documentaires. Mais nous sommes en pleine mutation. Et nous allons finir par éclore. Voilà. Niveau science, il y a quand même un certain nombre de phénomènes assez impressionnants en ce moment, à un niveau astrophysique notamment, magnétique. C'est ça, ouais. Et ça, il y a des sites comme... Je peux faire de la pub ? Oui. Trust My Science, par exemple. Site très intéressant, collaboratif de chercheurs canadiens, américains, suisses, sur lequel il y a un certain nombre d'articles voilà, qui paraissent dans de la... Enfin, en fait, c'est de la science un peu vulgarisée pour monsieur et même tout le monde, ce qui est quand même sympathique parce que l'astrophysique au petit déjeuner, sinon c'est un peu compliqué. Et ils expliquent quand même assez bien, d'un point de vue vraiment purement scientifique, quand même effectivement, les différentes phases qui marquent l'évolution, en tout cas voilà, de l'univers dans lequel la Terre évolue. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de choses qui bougent. Après, on appelle ça ou on l'appelle pas, mais il y a quand même des choses intéressantes à savoir, c'est clair. Je crois qu'il y a une intersection, c'est l'attraction, les attractions des astres. C'est pas nous qui mutons, c'est... Les astres qui nous changent. Tu parlais tout à l'heure de capter des ondes, etc. En l'occurrence. Non, j'ai pas parlé de captage d'ondes. De facteurs. De facteurs de. Ah pique. Bon bah, si, t'as même posé la question. Mais bon, en tout cas, à un niveau vibratoire. Mais c'est vraiment de. Tu le sens dans l'air. Nous, on peut pas forcément le sentir, mais en tout cas, les astrophysiciens en ce moment, ce qu'ils captent, c'est effectivement des évolutions, des fréquences vibratoires. Mais on n'est pas encore. On n'a pas. Ils n'ont pas toutes les données non plus pour être en capacité d'analyser, mais il y a beaucoup de choses qui bougent au niveau de la recherche en ce moment à ce niveau-là. Oui, aussi. C'est vrai. Il y a un phénomène qui doit se passer aussi si. On doit s'éteindre ou éclore. On peut s'éteindre, on n'est pas obligé d'éclore. C'est pas forcé. Si c'est la fin du monde, l'apocalypse, ça peut le devenir. Parce que au moment où le soleil va éclater. Et là, le système solaire. Vous avez vu, preuve. Oui, tu peux le faire refaire là. Il faut que tu le fasses au micro parce que comme ça. Tu peux donner. Tu peux le refaire au micro parce que comme ça on peut. Fais-le au micro. Ok. Je suis pas valable pour être un fœtus de dragon. Ben oui, mais moi j'ai beaucoup aimé. Il faut environ un siècle pour éclore. Un siècle. Un siècle environ pour éclore. Lui, oui, oui, tout à fait, il va éclore. Il est temps d'éclore là. Il reste quand même quelques années, hein. Environ 100 ans pour éclore, ouais. Ouais. Tu vas devenir un dragon. T'es passé par où ? Micros, micro, microphone, parce que sinon on n'entend rien. Voilà, partagez vos micros. Mais... Par contre, oui. Alors non, vu qu'on est en plein dans le sujet, je vous invite à débloquer vos respirations, car étant donné que nous n'avons pas pu éclore pendant des générations, nous avons des gaz et des respirations bloquées en nous. Alors, si tu vas nous faire un exercice, chacun prend un micro, Fofanata. Tiens, et on va tous respirer avec toi et on va devenir dragon. Voilà, dragon. Vous allez invoquer votre nature. Dune, micro. Tout le monde, micro. Ma nature, vas-y, tu vas nous faire un exercice des dragons. Ma nature, c'est tomber dans les pommes, moi. Après ça. Attends, on va devenir dragon. Laisse-toi l'opportunité vous de devenir déjà, dragon. Vous êtes déjà des fœtus de dragon. On ne change pas son ADN quand même. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais essaye, on va essayer. Attends. C'est le dragon. Bon, ben voilà, on est tous des nids dragons là. Bon, dragon sur Metania, merci Fata. Mais oui, voilà, regardez vos miroirs là, on est tous dragons. Non, je voulais rejoindre une autre colonie moi. Voilà. On a également des portées. Prends un micro, Jérémy. Bonjour Jérémy, bienvenue sur Metanoia. On est pardon tous. Adore les dragons et les non-dragons. Ne vous battez pas, les amis. On est tous dragons, non-dragons. On a les choix. Contre un dragon, effectivement. Comme on le dit, Sandra. Sound of Joy. Bon, et Sandra, il vient de l'espace aussi. Il dit qu'il vient de Saturne, qu'on peut voyager à travers la musique dans toute la Voie lactée et au-delà. On n'a pas la chronique du système solaire aujourd'hui d'Inaltinio, mais on a la gastrosophie de Pedro Serra qui vient d'arriver. Et Amina, qu'est-ce qu'on fait? Astronomie. Attendez, il y a Jérémy, Après, il y a Pedro Serra et après, il y a Mélichard. Marie-Vice qui vient en éclaireur. Monsieur le docteur, médecin psychiatre, docteur Sessa. C'est à vous. Merci. C'est comment ? Astronomie, c'est marrant qu'on parle de ça. J'ai animé justement un atelier système solaire astronomie avec des CE1. Et franchement, ils ont kiffé. Hein. Maquette, construction de maquettes avec les planètes, le soleil, tout ça. Oui. Et faire des défis. Ah ouais, ils ont kiffé. Hein. Et ça rentre direct dans la tête en leur montrant la rotation, comme quoi la Terre, quand elle tourne autour d'elle-même, ça fait 24 heures. Et quand elle tourne autour de du soleil, ça fait un an, 365,5. Mais pourquoi ça marche bien ? Parce qu'on leur montre avec du matériel, en fait. Et c'est ludique. Donc franchement, c'est tout ça, là, c'est des trucs où faut pas hésiter à imprimer des petits primaires, en fait. Ils sont archi réceptifs et veillés pour ça. Moi, je vais ouvrir un site pour faire fabriquer des clés en métal de météorites qui tombent tous les jours de l'espace sur la Terre. Il y en a partout, de la météorite. Ouais. Et j'en ferai bien des clés tibétaines. Oui, c'est et ça. Moi, je te suis. Hein. Moi, je suis des clés tibétaines en métal de météorite. Ouais. On va chercher les météorites d'abord. Les serrures ? Peut-être Docteur Serra. Peut-être dans les patios. Le jeu de clé. Bon, je parlais de. Du jeu de clé du dragon. Ouais. J'ai tout compris. Bon, non, franchement, moi je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Moi je suis pas un dragon. Moi je suis un fauve. Tu n'as rien compris. Tout simplement. Ah bon hein? Mais quand je rugis, c'est pas pareil. On va voir si tu peux me suivre. Regarde. Ça fait. Choisir les animaux. Hein. Ouais. C'est toujours en acapella, toujours en acapella. Bon, je vais faire rugir le jaguar. Vas-y, on a 4 minutes. Le jaguar. Ouais, c'est amplement suffisant. Juste avant, Jérémy, Pedro voulait dire deux mots là. Vas-y. Pedro, tu veux dire un truc là ? Bah, comme d'habitude, je ne sais pas trop quoi dire, mais comme ma chronique s'appelle la clinique gastrosophique, et c'est de la gastrosophie pratique. Je voulais commencer par parler de l'aubergine. L'aubergine me rappelle le printemps. L'aubergine me rappelle... Ah oui, c'est les amandes. Ah oui, les amandes, c'est encore un aliment. Et donc, quand on va au marché, est-ce que quelqu'un ici va au marché faire ses courses ? Je trouve que c'est une excellente chose de faire le marché, choisir ses aliments. Et donc, l'aliment à la mode cette saison, c'est l'aubergine, qu'on fait de différentes façons. Voilà. Et puis, quand on va au marché, on choisit des aliments à l'état de nature, non transformés. N'est-ce pas, mademoiselle ? Et les barquettes ne poussent pas sur les arbres. Et des suggestions de boissons ? Attendez un petit peu. Quand on parle de boissons, le sujet devient très sérieux. Donc, passons, attendons un petit peu. Hein, à boissons. Boison, vous voulez dire ? Attention aux boisons. Parce que la boisson, hein, voilà, poids de senteur, l'encens, c'est très pertinent. Et donc, quand on va au marché, on achète ses légumes, ses fruits, et son matériel de cuisine, et on fait un acte que parfois on oublie, surtout quand on ne va pas très bien dans la tête, qui s'appelle l'acte de faire la cuisine. Je place un truc aussi parce que. Et donc, on coupe les aliments, on conçoit une recette, on regarde un peu à droite et à gauche, et on se lance. Et puis, quand on se lance dans l'élaboration du plat choisi, on se dit tiens, j'aime ceci, j'aime cela. C'est-à-dire qu'un sens esthétique commence à se développer. Je préfère les oignons rouges aux oignons blancs, ou les oignons jaunes, ou les aubergines, ou like. Vous avez vu cette année. Tout ce qu'il y a comme ail frais. C'est dangereux pour les dragons. Donc, chez les Chinois, on ne met jamais à table des couteaux. On coupe en cuisine. Ah. Et on coupe tout en cuisine. C'est vrai. On ne pose pas le couteau sur la table. La preuve, on mange avec des baguettes et les baguettes ne coupent rien du tout. Sauf bah, le dent. On coupe en cuisine, il y a quelqu'un qui prépare. Très bien. Et dites-moi une chose, parce que sinon, quelle a été la dernière fois que vous vous êtes lancé dans l'élaboration d'un plat ? La chakchouka. La chakchouka. C'est-à-dire que ça commence avec des tomates, c'est ça ? Tomates, aubergines, poivrons, œufs. On peut faire en brique. On peut faire en brique. Bon, c'est un petit la peu tchouka, donc vive la tchouka, vive le printemps et vive la cuisine. On écoute Jérémy. Et Pikachu et Choukapik aussi. Je suis obligé de répondre parce que franchement... On a une minute avant que couper là. Vas-y Jérémy. C'est suffisant. Tu t'appelles comment? Ouais, parce que moi je ressens le son tel qu'il est, tu vois. Et quand t'as soufflé là, j'ai ressenti un truc de ouf. Je suis obligé de répondre, mais à ma façon, tu vois. Donc ça fait toujours un acapella, il n'y a pas d'instru, ça me saoule. Vas-y, vas-y. Okay. Attends, je te mets dans l'instru okay. Si tu veux. Attends. Vas-y, vas-y. Si on, mais c'est vas-y. Pas. On est déjà hors délai, mais c'est bon. C'est pas grave. Attends, c'est quand même. Je sais pas si on a l'instru là. Ah, il n'y a plus de. La gastronomie. C'est pas grave, j'y vais en acapella, vu le temps qui reste, t'es rare. Ça ira, c'est bon. Ok, je suis branché là, c'est bon. Ok. Bosser cette vie. Bosser cette vie. Bosser cette vie, le boss est à la fois l'ouvrier. Bosser cette vie, le boss est à la fois l'ouvrier. Bosser cette vie, le boss est à la fois l'ouvrier. Oser s'unir, la paix subtile nous réussit. Oser rugir, passer du tigre vers une réussite. Oser rugir, passer du tigre vers une réussite. Ça, c'est le souffle du fauve. Sur Metanoia, on se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup. C'est sur Pinot, bravo tout le monde. On est tous des fêtes des dragons.